Bonsoir tout le monde, grand amateur de musique. Et bien, il sera question de musique, évidemment. Vous êtes à Terra Incognita, donc il y aura de la bonne musique. Et vous êtes en compagnie de Bruno, Jean-François et de France. Bonsoir France. Bonsoir Bruno, bonsoir Jean-François. Et Bruno nous fait des petits signes. Bruno qui est toujours à fun, mais toujours aussi présent. Et bien, on pensait avoir une grosse annonce à vous faire ce soir, mais finalement, ça n'en est pas tout à fait une. Le site web de Terra Incognita a publié, avant qu'on diffuse cette nouvelle-là, la venue d'Airbag au festival Terra Incognita pour la 15e édition. Donc, Airbag va fermer la deuxième journée, soit le samedi soir. C'est ça. Donc, c'est de la belle visite parce que Airbag, d'abord, c'est la première fois au Québec. Je pense qu'ils sont pas venus souvent en Amérique du Nord non plus. En tout cas, on n'a pas vu ça souvent. J'ai pas vérifié. Mais c'est pas grave. Donc, le portrait commence à être complet. Il reste... Il reste deux annonces. Une annonce à faire. Il reste juste une? Oui. Donc, un petit portrait rapide? Un petit portrait rapide. Les confirmations Finistère, Ease, Fido, Inner Space, Ease Project, Beyond Ris, Basta et Airbag. Moi, j'ai bien hâte à Basta. D'ailleurs, on va en entendre un extrait là, dans ce premier bloc. Et on va débuter par Airbag, mais pas nécessairement le dernier. Moi, j'aime bien The Greatest Show on Earth. Et on va entendre Redemption. Et on a eu aussi le progressiste numéro 93. Donc, il y a plein de belles découvertes à faire là-dedans. Marc en a fait jouer quelques extraits, dont Glaston, qu'on a beaucoup aimé, mais qu'on n'a pas d'informations sur ce groupe-là. Remarquez, on aurait pu fouiller un petit peu plus pour trouver quelque chose, mais ça aurait été un peu plus ardu. Marc a fait jouer ça la semaine dernière. Oui, c'est la semaine dernière. Il a fait jouer aussi d'autres extraits. Donc, nous autres, on va y aller avec... pas les mêmes. On va attendre un petit peu avant de les rediffuser. Mais moi, il y a quelque chose qui m'a impressionné. C'est Holly Mushroom. C'est avec un nom comme ça, disons que ça annonce un petit peu. Là. C'est de la musique qui fait un petit peu dans le psychédélique. Leur album s'appelle Moon. On va entendre la pièce de Preacher. Et on terminera ce bloc avec Basta, un extrait du très bon disque Elemento Antropico. Moi, j'ai bien hâte de voir Basta. Je pense que ça va. Moi aussi. En parlant de mushroom, tu dis psychédélique, ça va bien avec la légalisation du cannabis qui s'en vient. Ben oui, ceux qui attendent après ça s'en vient, gardez patience. C'est ça. Donc, on débute ce bloc avec Airbag qui sera en au mur pour le prochain festival en mai prochain. We'll be right back.

Et c'était Basta, le groupe italien qui sera présent au festival Terra Incognita. Et ben moi, j'ai bien hâte de voir ce show-là. Hein. Ben oui, tu m'en parles quasiment tous les jours. Ouais, c'est Bruno qui arrête pas de m'énerver avec ça. Là. Il se peut plus depuis que ça a été annoncé. Mais il va falloir patienter encore un petit bout de temps. C'est dans 7 mois. Ouais. Mais c'est pas grave. On se prépare puis on va écouter plein de musique qui va passer au festival. Juste avant, c'était Lord of Mushroom, un groupe espagnol qui est une gracieuseté de progressiste. Et on dit qu'il y a de la guitare incandescente. Je pense que oui. À faire pâlir Jimi Hendrix, peut-être pas. Mais je pense que c'était un petit peu dans ce mood-là. D'ailleurs, on reconnaît un petit peu le style là, par moment. Et ben franchement, moi, je trouve ça très, très bon. Je suis content de la découverte. On avait débuté ce bloc-là avec Airbag de la Norvège. Et on va en publicité et on vous revient tout de suite après. CKRL. Toi aussi, je crois. Tes souvenirs, Seigneur. Le jeudi 25 octobre, le Festival Québec en toutes lettres présente Queen K et son magnifique spectacle Chrysalide. J'arrive. Entre le show musical et la performance théâtrale, la reine du spoken word, Queen K, et son band de poésie livrent des textes qui donnent envie de changement. Ce monde est si rude. Le spectacle sera suivi de la 9e nuit de la poésie. Québec en toutes lettres, du 20 au 28 octobre, découvrez la splendeur du vertige. La Maison de Job présente son spectacle bénéfice, le Show de Job, le 11 octobre prochain à 19h30, avec Laurent Jalbert à l'Impérial Bell. Tous les profits serviront à soutenir la mission de la maison, soit d'accueillir les plus démunis de la société aux prises avec des problèmes de dépendance. En première partie de la soirée, Michel Rossel. Billets en vente sur le site de l'Impérial Bell. Et nous, cette semaine, on est allé voir IQ. Hein, oui. Un très bon spectacle. En fait, c'est le deuxième en 1 an et demi. Et ben, le groupe est toujours en forme. Ils ont du plaisir à jouer à Québec, ça c'est évident. Et Peter Nichols a toujours sa voix. Il est toujours aussi sympathique. Et les autres musiciens jouent très bien. Ça a été un très beau spectacle. Et cette semaine, on va voir les Strubs. Et qu'est-ce qu'il y a à part les Strubs et le Festival Terra Incognita? Bon. Qu'est-ce qui s'en vient? Le 13 octobre, samedi prochain, chez Digiproject, en première partie, Inner Odyssey, La Margelle du Cégep de Sainte-Foy. Le 15 octobre, à Salle Jean-Paul Tardy, Carl Palmer Band. Le 5 novembre, au Théâtre du Petit Champlain, c'est le lancement de l'album de Universe Effect. Le 11 novembre au Palais Montcalm, Doisel Zappa. Le 17 novembre pour une quatrième fois, Prog Story à la salle Jean-Paul Tardy. Le 23 novembre à la salle Jean-Paul Tardy, Gang et Steve Village. Le 2 février, on est rendu en 2019, à la salle Jean-Paul Tardy, Gang et Steve Village. Ensuite, le 2 février, c'était annoncé cette semaine, toujours au même endroit, hommage à Roche et à Marion. Le 23 février, au Cégep Garneau, Marion Script Revisited. Le 1er mars, à la salle Jean-Paul Tardy, The Flower King. Et le 31 mars, au même endroit, Arena. Bon. Oui, ça fait pas mal. Ça fait pas mal. Oui, donc il y a de quoi s'occuper. Et en musique, il y a Moon Particle. Mais Moon Particle, c'est pas n'importe qui, c'est le groupe qui accompagne Stephen Wilson. Donc il y a Adam Holzman et Craig Blundell, entre autres, qui font partie de ce groupe-là. Et c'est un disque là, qui s'appelle Hurricane Esmeralda, qui a été très bien accueilli, d'après ce qu'on dit, dans le 93 de progressiste George So. On ne sait jamais comment prononcer ce nom-là, George So. Le groupe norvégien qui revient avec un disque qui s'appelle... En fait, c'est un disque éponyme. Et il contient, c'est un double. Il contient tout ce qu'ils ont fait avant. C'était des cassettes. C'est toutes des choses qui sont plus disponibles. Et c'est très intéressant. Et c'est pas un passé lointain parce que le groupe existe seulement depuis, en fait, 2014. Mais la première cassette est sortie en 2015. Donc, on parle du stock là, qui date de 2 ans. C'est plutôt récent. Il y a Riverside aussi qui nous revient avec un disque qui s'appelle Wasteland. Et c'est... c'est le premier depuis le décès du guitariste. Là. On se demandait ce qu'elle allait faire avec ça. Ben, ils ont des guitaristes invités. Un peu plus tard, on va avoir aussi Lunatic Soul. Et on se demandait, ben, Riverside va-tu ressembler à Lunatic Soul? Parce que c'est le même compositeur qui fait les deux. Riverside, c'était la rencontre de la musique progressive planante là, de Marius Duda et de Piotr, justement, le guitariste. Donc, lui, il est porté sur le métal. Donc, c'était le choc entre les deux. Mais ça donne quand même quelque chose d'intéressant. On va en entendre un extrait. Et il y aura aussi un groupe allemand qui s'appelle Humit. Et on y va avec Moon Particle. Thank you. silver stars go dark. My companion, with your cracked withered heart, the day's coming, I know that you call me on me. Is coming, I know that you're calling on me. I don't want you to make me wait too long. It's time to get on the road. Half-beat colors residues over my soul. Thank you.

Plot, disponible maintenant partout. Édition Vinyl Rouge, en magasin et en ligne. J'aime bien ça, moi, Octo Blue. Vous êtes artiste et vous cherchez un nouveau défi? CKRL lance le concours Talent en scène à la Korigane. Chant, musique, poésie, slam, humour, soyez l'un des 32 artistes à participer à notre concours. Vous pourriez gagner un spectacle avec cachet dans la programmation 2019 de la Korigane, une campagne publicitaire d'une valeur de 1 000 $ à CKRL, une session live enregistrée ou encore une séance photo professionnelle. Inscrivez-vous dès maintenant sur notre site ckrl.qc.ca. Nous sommes de retour avec encore quelques nouveautés. Donc, ce qui a terminé ce bloc, c'est Humit. C'est un groupe allemand, on ne sait pas trop d'où ça vient. C'est sur la compilation New Species numéro 33 qui vient avec le Progressist numéro 93. Et juste avant, c'était Riverside de Wasteland. C'est tout nouveau, ça vient de sortir et on est content de retrouver Riverside en forme. On se demandait ce qui se passerait avec eux autres. Ils ont pris le temps d'organiser leurs affaires comme il faut suite au décès de leur guitariste qui les a frappés durement. Je pense qu'ils peuvent être fiers de ce disque-là. George So, juste avant, avec je vous épargne le titre. D'ailleurs, vous pouvez voir tout ça sur la page Facebook de Terra Incognita, www.terraincognita.quebec.ca. Et vous aurez toute la liste des pièces qu'ils ont jouées. Vous avez aussi les podcasts. Vous les retrouvez aussi sur le site de CKRL. À l'onglet programmation. Et on avait débuté avec Moon Particle et leur album Hurricane Esmeralda. Et pour ce nouveau bloc, le troisième bloc, on va commencer avec The Duke of Orient. Encore là, c'est une découverte sur le 10 sampler de Progressist numéro 93. Ben, c'est qui ça, Duke of Orient? Moi, je ne connaissais pas ça du tout. En fait, c'est John Payne, un musicien qui a fait partie de Asia. Et d'ailleurs, on retrouve ce style-là beaucoup dans cette pièce-là, vous allez vous en rendre compte. Et ce disque-là a été réalisé avec nul autre que Eric Norlander, c'est ce qu'on apprend dans le magazine. Il y a aussi Guthrie Govan, qui n'est pas n'importe qui, hein. C'est un musicien qui a joué avec, entre autres avec les Aristocrates, là, dont on a parlé beaucoup récemment, mais aussi avec Steven Wilson. Donc c'est un monsieur qui est très très occupé. On poursuivra avec Lunatic Soul, Under a Fragment Sky. Ça aussi, c'est assez récent, c'est paru dans les dernières semaines. Donc, c'est la dernière réalisation du groupe Alter Ego là, de Marius Duda de Riverside. Et on aura aussi du Gleb Kolyadin, qui est assez bien connu ici. Marc en a fait jouer. Je pense qu'il apprécie beaucoup ce disque-là, d'après ce qu'il a dit sur ses ondes. Et on terminera avec le nouvel album de Pineapple Thief qui s'appelle Dissolution, qui est bien reçu, je pense. Oui, oui, oui, oui. On voit beaucoup de bons commentaires et les gens l'aiment bien. Donc, on y va en musique avec The Duke of Orient. My Oh, it's so, so, I come escape the rain. Here the horse are in love, we've wed. Dream the lines, come erase the pain. Into the corridor we glide, never a worry in our head. Pulling the silver coat behind, entering reverence. Hear the walls carry blood, she said. Be our hearts, lubricate the veins. Stay the course, it's umbilical. It's the structure of man, the fabric of space in our frame. The body of the light as we walk. Reach the top of the stairs, she said. Leave the floor, you come levitate. Do the host still hear my footsteps fall? On the boards, on the blades. Come on and levitate. To go, got this far, you couldn't find a way. You couldn't know you were falling long before you received the blow. So you're threatening war, so go ahead and send it. So you're threatening war, so go ahead and send it. Ooh. Can Can't you see? You have someone, least of all me. So you're threatening wars, so go ahead and send it. So you're threatening wars, so go ahead and send it. CKRL. Nouveauté chez Slamdisk, Octoplot. Écoutez le deuxième album d'Octoplot, le démon normal d'Octoplot. Octoplot, c'est tout niveau, il y a des émotions puis des passes élevées. Octoplot, disponible maintenant partout, édition vinyle rouge, en magasin et en ligne. J'aime bien ça, moi, Octoplot. Le théâtre Premier Acte, en collaboration avec la Caisse des Jardins de Québec et le collectif du Trottoir, présente la pièce « Celle qu'on pointe du doigt ». Ça se lit pas toujours dans notre face, mais quand on les voit, les criminels à TV, ils ont toutes des faces de pas de bon sens. Des dents qui se peuvent pas, des yeux cross-eyed, ben des crânes de macaque. Quoique je peux comprendre que quand t'as été le dernier à piger dans le sac à face, ça se peut que tu sois prédisposé à vouloir sauter un plomb. Mais moi, je le sais pas ce qui m'a pris. Celle qu'on pointe du doigt, du 2 au 20 octobre, premieracte.ca. Pineapple Thief, avec son album Dissolution. Pineapple Thief, il connaît un bon succès là, depuis quelques disques. On voit des chroniques un petit peu partout dans les principaux magazines, des fois à grand tirage. Ben, c'est tant mieux, hein? Ça fait plusieurs années qu'il roule sa bosse et qu'il travaille fort. Et il travaille avec Gavin Harrison aussi, qui était à batterie, qui s'est investi aussi dans ce disque-là. Ils ont co-écrit plusieurs pièces. Et, ben, ça donne quelque chose qui s'écoute bien comme ça. Et cette pièce-là, là, Threatening War, ben, c'est assez représentatif de ce disque-là. Et Gleb Kolyadin, qui a précédé avec un album éponyme, et la pièce Astral Architecture, ben, lui aussi, je pense que ça se passe bien. C'est en fait le leader avec une demoiselle là, du groupe I Am The Morning, le groupe russe. Et il y a une entrevue de lui avec le magazine Progressiste. Juste avant, Lunatic Soul, toujours dans... Il y a Jacques qui est là, qui me faisait remarquer que ça faisait penser un petit peu à Vangelis. Ben oui, hein, je trouve Under the Fragment Sky, son nouveau disque, effectivement, sonne un petit peu comme ça. C'est quand même différent, parce que ses autres albums ont pas cette couleur-là. C'est quand même intéressant à remarquer. On avait débuté avec Duke of Orient, le groupe de John Payne, qui sonne étrangement Asia, ce qui n'est pas anormal étant donné qu'il a fait partie de ce groupe-là pendant quelques années. Donc c'est dans sa fibre et c'est tout à fait normal. Et maintenant, on va parler de Spokesbeard. Spokesbeard qui aussi continue contre vent et marée avec... ils ont perdu leur batteur, le petit batteur tout petit, Johnny Keegan, je pense qu'il s'appelait. Il se présente sur la pochette là, comme un quatuor, mais sur ce disque-là, c'est Nick DiVirgilio qui joue de la batterie. Et bon... Pour le plus grand bien du groupe. Là. Mais on comprend qu'il ira pas en tournée avec eux autres. Donc, c'est simplement une invité. Un autre qui fonctionne bien, c'est Big Big Train, qui vient de sortir Merchant of Light, un très, très beau digibook là, qui s'appelle Merchant of Light. Là. C'est très pesant là, parce qu'il y a beaucoup de photos là-dedans. Donc, c'est un album live des dernières pièces là, du groupe. C'est un double aussi. Donc, on y va avec Spokesbeard et la pièce One So Wise et The Big Big Train. On va entendre Wassail. cedar tree, old apple tree, bountiful we raise a glass to thee. Stand by, stand strong, while I lead bear fruit to plenty. Was young. Never justice very long began. Just one bite was all it took. Expulsion and a fall of man. Bless your crown, you much fruit of belly down. Raise your roots. Hear me, tree. Bow and leap back through to plenty. Come on, let's get the hands going. This is it after this. Yeah, oh, I say, les Anglais de Big Big Train qui font fureur présentement. Ils ont fait quelques spectacles et ça a été très couru. Il faut dire que c'est plus des musiciens de studio puis qu'il y a beaucoup de monde qui joue dans plein d'autres choses là-dedans. Entre autres, Richard Schaublum, anciennement de Beardfish, mais aussi de Gunfly. Mm-hmm. Et juste avant, c'était Spock's Beard qui s'en sort assez bien aussi avec son Noise Floor. Et bien, c'est déjà tout pour nous. Restez à l'écoute parce que l'autoroute commence à minuit avec Jacques Dulac. Donc, on rappelle Airbag qui s'est ajouté. Oui. Pour le festival Terra Incognita, version 2019. Celui qui hésite encore, achetez vos billets, Moses. Moi, ils ne sont pas en vente présentement. Non, mais ça ne sera pas long. Vous pouvez faire des réservations auprès de Terra Incognita. Oui, sur la page Facebook, écrivez à Michel ou sur le site Terra Incognita. Exactement. Donc, on se quitte avec Robert Reed et son Sanctuary Tree. Et cet extrait des fichiers MP3 là, qui sont disponibles sur le site de Progressist. Donc, bonne semaine à tous et restez à l'écoute pour l'autoroute.